Chapitre 12e. Le désespoir d'un homme de cœur. Les 3 semaines fixées par le docteur étaient suffisantes pour les formalités légales à Paris et à Plorac, mais elles ne l'étaient guère pour tous les préparatifs de toilette, de trousseau et de cérémonie. Dès le lendemain, on s'occupa de ces préparatifs. Au petit jour, le docteur envoya éveiller Armand et Maurice. Le soleil n'était pas levé depuis 2 heures qu'on était en route pour Morlaix. « Allons déjeuner !» dit le docteur en arrivant. « Après, nous commencerons nos achats. L'œil est plus clair et le jugement plus solide quand l'estomac est plein. » On se mit à visiter les magasins. Le docteur avait pris le bras d'Armande. Entre elle et Maurice, ils marchaient empressés. De temps en temps, ils s'arrêtaient pour les regarder tous deux, puis serrant tendrement la main de sa petite fille. « Je n'ai pas 25 ans, » disait-il. « Quel fameux médecin que la joie !» Avant d'entrer dans le premier magasin, « Ah ça, tu sais, mon garçon, » dit-il à Maurice, « que toute marque d'approbation ou d'improbation est sévèrement interdite. C'est Armande qui choisit. Nous ne parlerons qu'après elle. » Malgré cette recommandation, il fut lui-même le premier à parler. « Madame, » disait-il à la marchande, « qu'est-ce que c'est que ça? Voulez-vous l'essayer, hein, mademoiselle? Je le prends. »« Mais, grand-père, » voulait-elle interrompre, « ça ne te plaît pas? Si, mais je n'en ai pas besoin. Alors c'est un cadeau que je te fais. » Il lui semblait que plus il serait généreux, plus il prouverait son amour. « Comme ça doit être triste pour un pauvre vieux, » disait-il, « de n'avoir pas d'argent. » On parcourut ainsi les boutiques de la ville. Quand on rentra le soir à l'hôtel, on vit arriver les uns après les autres des commis chargés de ballots et de cartons. Cependant, on n'avait acheté que les choses indispensables. À Paris seul, il appartenait de fournir les bijoux et les robes de ville. Ce fut, dans la vieille maison, un désordre général. Les repasseuses s'étaient emparées du vestibule, les couturières du salon. Dans la salle à manger, les ouvrières ourlaient les serviettes, brodaient les mouchoirs, montaient les cols, piquaient les chemises. Au milieu de ce bouleversement, les 2 amants ne pouvaient guère être seuls ensemble, et Maurice, pour se trouver plus longtemps avec Armande, passait presque tout son temps dans l'atelier. Souvent le docteur venait les y rejoindre. Il prenait plaisir à faire causer et rire cette bande de jeunes filles. Il les agaçait, et alors elles s'en donnaient à cœur joie, remuant les doigts moins vite que la langue. Souvent aussi, il interrompait ses conversations et se précipitant sur une couturière qui de son sein faisait une pelote à aiguilles, il leur racontait quelque épouvantable histoire chirurgicale où il avait fallu abattre un sein pour une aiguille aussi imprudemment fichée. Un soir, le docteur annonça qu'Audrey était revenu de Brest. Il se proposait d'aller lui-même, dès le lendemain, l'inviter, comme cela était convenu. Armand et Maurice furent également frappés en entendant cette communication, quoiqu'ils dussent s'y attendre. « Il ne faut pas que ce soit votre grand-père qui aille inviter Audrey, » dit Maurice. « Pourquoi donc ?»« Parce que, si l'invitation vient de M. Michon, Audrey refusera. Alors ?»« Alors le monde croira qu'il a eu de trop bonnes raisons pour refuser. » »« On affectera de dire, et peut-être ne sera-t-on pas beaucoup dans l'erreur, qu'Audrey vous aime. » et que le désespoir d'être témoin de notre union peut seul le pousser à une telle impolitesse. Si grand-père n'y va pas, qui donc ira? Vous? Ça le fera trop souffrir. Les souffrances de M. Audrey m'importent moins que votre réputation. Il faut donc que vous y alliez et que vous le décidiez. Ces paroles la blessèrent sans la convaincre. Elle ne pouvait se rendre aux raisons de Maurice. Pour la première fois, elle voyait en lui de la dureté. Aussi, elle ne céda point d'abord. Elle espérait le ramener par ses raisonnements et sa résistance. Soutenue par son amour-propre, Maurice fut inflexible. Il fallut que, vaincue et navrée, elle se résigna. Dans la tâche qui lui était imposée, il y avait à la fois pour elle ennui et douleur. Ennui, à prévenir son grand-père qu'elle prenait l'initiative de cette démarche. Douleur, à venir torturer de nouveau celui qu'elle avait déjà fait tant souffrir. Elle s'adressa d'abord à M. Michon, qui ne lui fit aucune objection sérieuse, et se rendit très volontiers à son désir dès qu'il le lui entendit exprimer. Le lendemain, comme on finissait de déjeuner dans la bibliothèque, la seule pièce où il n'y eut point d'ouvrière, Audrey arriva. « C'est moi qui t'ai fait prier de venir, » dit le docteur. « Mais c'est Armande qui a besoin de te parler. Nous vous laissons. Viens-tu, Maurice? Venez-vous, Martel? Nous allons rire un peu et confesser les ouvrières de Madame Penazen. » Puis, s'approchant d'Audrey, « Elle a voulu te faire sa demande elle-même, » continua-t-il. « Quand tu sauras de quoi il est question, j'espère que tu me remercieras de lui avoir cédé mon rôle de chef de famille. » Allons, venez-vous. » Depuis qu'Audren était entrée, Armande le regardait, et rien qu'à le voir, elle se sentait gagnée par les pleurs. Il avait les yeux caves et brûlants, le teint était jaune, les joues étaient creuses, les narines frémissantes, les lèvres amincies. Sur son visage et dans son attitude, tout accusait la fièvre. Ils restèrent quelques secondes sans parler, puis enfin d'une voix sourde. « Eh bien, ne vouliez-vous pas me parler ?»« Oui, maman, je voudrais vous remercier. »« Me remercier. Je voudrais vous dire combien je vous suis reconnaissante de vous être exposée à la tempête. »« Aujourd'hui ?» s'écria-t-il en faisant un pas vers la porte. « Audren, parlez-moi de votre demande, c'est tout ce qui doit nous occuper. Le passé est mort, je vous prie de n'y pas revenir. Que voulez-vous ?» En se résignant à inviter Audren elle-même, Armande avait cédé à cette pensée que venant de sa bouche, la demande serait moins cruelle, et que par des marques de reconnaissance et de tendresse, elle saurait adoucir ce qu'elle avait d'horrible. Mais alors elle ne l'avait pas encore revu. Elle ne connaissait pas les changements qui s'étaient faits en lui. Il avait été loin de prévoir la tournure que prendrait l'entretien. Cependant, il fallait parler. M. Michon et Maurice étaient là qui attendaient. Audren lui-même l'interrogeait du regard. « Nous sommes victimes tous les deux d'une écrasante fatalité, » dit-elle d'une voix tremblante. « Il faut que je souffre pour vous faire ma demande. Il faut que vous souffriez pour me l'accorder. Il faut que je souffre encore si vous ne me l'accordez pas. Si je dois être le seul à souffrir, je ne vous refuserai pas. Car maintenant, je ne puis plus souffrir. Vous pouvez m'accuser, et c'est ce que je ne veux pas. Ne craignez rien. Je vous aimais pour faire votre bonheur. Je vous aime toujours. Ce que vous demanderez, je le ferai. Eh bien, continua-t-elle d'une voix presque inintelligible, vous savez que le jour de mon mariage est fixé. Oui, je le sais. Et s'approchant d'Armande comme pour lui présenter son visage, vous voyez bien que je le sais, dit-il. Je sais que vous allez être sa femme, et bien, après, que voulez-vous? On veut que vous soyez mon garçon d'honneur. Moi? Il se mit à marcher à grands pas, regardant Armande avec désespoir. Mais il était de ces âmes qui mettent leur orgueil dans le sacrifice. La surprise l'avait vaincu. Peu à peu, il ressaisit sa volonté, puis, d'une voix brève et étranglée, « Qui le veut? Dit-il. « Grand-père, » répondit Armande en tremblant. « Mais lui? Reprit-il. Elle baissa les yeux et ne répondit pas. « Eh bien, je le serai, » dit-il. Il tomba sur une chaise. Longtemps, il resta sans rien dire. Ses lèvres étaient pâles, ses dents claquaient. Cependant, relevant bientôt les yeux et regardant Armande, « Moi qui croyais ne plus pouvoir souffrir » s'écria-t-il. Puis, comme elle semblait vouloir se défendre, « Je ne vous en veux pas. Vous m'aimez autant que vous le pouvez. Nous sommes bien malheureux tous les deux. Mais vous au moins, vous avez votre grand-père, vous avez... » Sa voix s'altéra. « Vous avez votre mari. Moi, je suis seul et je vais partir. » « Partir. Vous pensez bien, n'est-ce pas, que vous mariez, je ne resterai pas ici. Quand mon frère m'a annoncé votre mariage, j'ai voulu me tuer. Audren ! Mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ce n'est pas la douleur que je crains, c'est l'abandon. Je voulais me tuer, j'ai eu peur d'attrister votre joie, et j'ai résisté à ma tentation. Je suis parti pour Brest. J'ai trouvé une corvette en armement pour les mers du Sud. Dans 3 mois, je serai au milieu de l'Océanie. » Sur ces derniers mots, le docteur entra, et allant vers Audren, « Eh bien, es-tu invité ?» lui dit-il avec un affectueux sourire. Grâce au mouvement qui chaque jour se faisait autour d'elle, grâce à Maurice, grâce aussi à cet égoïsme de l'amour qui envahit même le cœur le plus charitable, Armande ne pensa pas trop à Audren et à sa douleur. Sur le premier moment, l'annonce de ce départ l'avait bouleversée. En y songeant bien, elle en vint presque à s'en réjouir. Elle se dit qu'au retour, il serait sans doute consolé, et qu'alors, pouvant se voir librement, ils recommenceraient ensemble une vie d'amitié. Cette idée la rassura, et si accoutumant, attendant de l'avenir le calme et l'oubli, elle s'habitua à trouver Audren moins pâle et moins sombre. Il venait presque chaque jour. Quand elle était avec Maurice, il s'en allait. Quand elle était seule, il s'asseyait près d'elle, il lui parlait de leur confiance et lui rappelait leur jeu et leur bonheur d'autrefois. « Comme c'est loin, » disait-elle en souriant. « Comme c'est près, » disait-il, « c'était hier. » Pour lui, ces jours s'écoulèrent rapidement. Ils s'écoulèrent plus rapidement encore pour tout le monde, car plus on avançait, plus il fallait redoubler d'activité. Chacun avait sa part de soins et de travail. Le docteur commençait à ne plus trop savoir où donner de la tête. Il s'était réservé l'ordonnance de la fête, et comme il voulait tout faire par lui-même, il était sans cesse sur pied. À cause du deuil encore récent de Maurice, il avait été décidé qu'on ne danserait pas officiellement, mais qu'on élèverait dans la cour une tente où on danserait et se régalerait les invités du village. Et quand il abandonnait ses charpentiers, c'était pour courir à la cuisine, où un pâtissier et un cuisinier confectionnaient le festin. Ses soins matériels n'étaient pas les seuls qui l'occupassent, et comme il ne croyait pas que tout son devoir serait accompli pour avoir donné une belle noce, il avait encore avec Maurice de fréquents entretiens. « Mon cher enfant, lui disait-il, de tous les actes de ce monde, le mariage est à mes yeux le plus grave, et je voudrais que tu y arrivasses dignement préparé. Car il faut bien que je te l'avoue, tu y arriveras tout seul. Ce n'est pas une femme que je te donne, c'est un enfant. Et de ce côté, je m'en accuse, j'ai des reproches à me faire. Je m'étais promis de la préparer, et je n'ai pas osé. Un père, un homme, quelque vieux qu'il soit, est mal à l'aise pour parler de ces choses-là. Et si avec mes malades j'y allais carrément, avec elle j'ai peur. Elle est la maîtresse, vois-tu, et c'est moi qui suis l'élève. Eh bien, mon bon Maurice, ce que je n'ai point eu la force de faire, c'est toi qui le feras. Songe que je te livre une petite fille de 17 ans. Elle t'aime et tu l'aimes, c'est vrai, mais enfin elle n'a que 17 ans. Gagne tout d'abord son âme, et tu gagneras ta femme pour la vie entière. Moi, je me charge de lui épargner l'embarras de la cérémonie. Le mariage civil se fera ici même, le maire me l'a promis. Elle n'aura donc pas à rougir devant une foule curieuse en prononçant le oui juridique. À table, j'aurai soin d'empêcher les allusions plus ou moins spirituelles, et le lendemain, vous serez seuls, mes enfants. Pour ne pas la rendre confuse, je ne la regarderai même pas lorsqu'elle viendra m'embrasser. Ainsi, tu me comprends, n'est-ce pas? Je veux que votre mariage soit une chose grande. Je veux qu'il soit chaste dans la cérémonie, spontané dans le dernier consentement. Moi, je le ferai chaste, à toi de le faire spontané. Que ton amour, en domptant tes désirs, assure votre amour. La veille du jour solennel arriva, et quand le contrat fut lu et signé, quand le docteur, dans une dernière inspection, se fut bien assuré que les préparatifs s'achevaient, quand on eut constaté en l'essayant que la robe de noces allait à merveille, quand Armande, tremblante, eut embrassé son grand-père non moins tremblant qu'elle, quand elle eut en rougissant tendu la main à Maurice, chacun gagna sa chambre. Mais cette nuit-là, chacun n'eut pas un même sommeil également calme et solide. Maurice, si heureux que tout éveillé il croyait rêver, s'endormit en continuant ses rêves. Le docteur, l'âme contente, la conscience satisfaite, se serait aussi doucement endormi, s'il eût pu ne pas penser que ce mariage allait lui enlever sa fille, qu'il avait 70 ans, et qu'une vieillesse solitaire était bien chagrine. Armande, seule dans sa chambre de jeune fille, se sentit inquiète. Elle se dit que c'était pour la dernière fois qu'elle se couchait dans ses rideaux blancs, la tête sur cet oreiller qui avait déjà reçu tant de confidences, et elle fut prise d'une tristesse infinie. Elle aimait Maurice cependant. Elle avait appelé et désiré ce moment avec impatience. Mais prête à franchir ce seuil derrière lequel tout était inconnu, elle s'arrêtait effrayée. Quoiqu'elle se sentît entraînée par une main chérie, elle tournait la tête et regardait en arrière. Elle voyait son grand-père qui restait seul. Elle voyait cette maison qu'elle abandonnait. Elle voyait Audrey. Mais en même temps, elle voyait Maurice. Elle se voyait elle-même près de lui, échangeant de tendres regards, écoutant de douces paroles. Et bercée par cette musique d'amour, son agitation s'apaisait, son souffle devenait plus faible, sa poitrine ne se soulevait plus haletante. Et tandis que ses paupières se fermaient, ses lèvres, répétant la dernière pensée de son cœur, murmuraient faiblement « Maurice, Maurice !» Elle dormait enfin et rêvait d'amour. Mais pendant cette nuit, celui qui ne dormit pas du tout, ce fut Audren. À grands pas, il marchait dans sa chambre. Quand il se croyait un peu plus calme, il se couchait, s'entortillait dans les draps, se couvrait la tête, et immobile, sans respirer, il tâchait de s'endormir. C'était en vain. La douleur et le désespoir ne le lâchaient pas. Les larmes qu'il avait amassées devant Armande lui montaient aux yeux et coulaient grosses et brûlantes. Pris d'un accès de rage, il se remettait à parcourir sa chambre. Puis, quand il avait longtemps marché, il se recouchait, prenait un livre, s'efforçait de lire et lisait page sur page. Mais c'était seulement des yeux, car son esprit ne pouvait point se détacher d'Armande. Lui aussi, il revenait au passé. Il la revoyait telle qu'elle était autrefois, et après un souvenir de bonheur, il lui en revenait un autre, et ainsi toujours jusqu'au matin. « Ah ça, diable, qu'est-ce que j'ai donc ?» grommelait Martel en se tournant et se retournant aussi dans son lit. « Je ne me marie pourtant pas demain, et j'ai une anxiété de prétendu. Je suis sûr que Maurice dort mieux que moi. Seront-ils heureux ?» Il plongea résolument sa tête dans l'oreiller. La réflexion ne le laissa pas longtemps tranquille. « Ah, s'il l'avait épousée avant d'avoir connu Marguerite !» Cela serait tout de même drôle s'il allait lui faire payer les fautes de l'autre. Drôle non, mais cruel et lâche. Bon, Maurice n'est pas méchant. Sur cette affirmation, il crut que son insomnie n'avait plus de cause légitime. Mais la réflexion tenace ne céda pas encore. Elle se mit à lui inspirer toutes sortes d'appréhensions qui se traduisaient à peu près ainsi. « Il n'est pas trop bon non plus. Est-il aveugle pour ne pas voir comme souffre ce pauvre Audrenne ? Quelle singulière idée de le prendre pour leur garçon d'honneur. Il le dédaigne et peut-être il ne le vaut pas. Qui sait si Armande n'eût pas été plus heureuse avec Audrenne ? Elle serait au moins restée près de ce pauvre vieux qu'on va laisser seul et triste. Ah, si j'avais été un autre que je suis. » La maison s'éveilla, bruyante et affairée. Dans la cour, les charpentiers se hâtaient de cogner leurs dernières chevilles. Dans les corridors, c'était un cliquetis de vaisselle et de verrerie. Maurice descendit le premier au jardin. Et ayant ramassé des petits cailloux, il les jeta contre les persiennes d'Armande. Celle-ci parut, enveloppée dans un châle, les yeux encore ensommeillés, cependant fraîche et rose sous ses blonds cheveux qui s'ébouriffaient autour de la tête. Les deux amants se regardèrent longtemps en s'envoyant de la main de sonores baisers. Puis, Maurice courut cueillir un petit bouquet de verveine et d'héliotrope, le lia avec une tige de volubilis, l'embrassa et le lança au milieu de la fenêtre. Armande le reçut au vol, le pressa aussi contre ses lèvres, comme pour y prendre les baisers qu'il avait reçus. Vers 10 heures, les invités commencèrent à arriver les uns après les autres. D'abord, ce fut M. Guillaume des Alleux, juge au tribunal de Ploërmel, oncle de Maurice, qui ne connaissait pas son neveu, mais qui s'était cependant dérangé quand il avait su qu'il s'agissait d'un mariage convenable. Puis ce furent les amis et les parents du docteur qui venaient de Lannion, de Morlaix, en tout 32 personnes. Quand tout le monde fut réuni, M. Michon fit prier Armand de descendre pour la présentation officielle. Audrenne était fort pâle, mais ceux qui ne le connaissaient pas pouvaient le croire calme et indifférent. La volonté le soutenait. La cérémonie civile s'étant accomplie, les portes toutes grandes ouvertes, suivant les prescriptions de la loi, on se mit en route pour l'église. La distance était si petite que le docteur n'avait pas voulu de voiture. Il marchait en tête du cortège, donnant le bras à Armande. Il était radieux et saluait d'un geste reconnaissant ceux qui se rangeaient le long des murailles pour les regarder passer. On entra dans l'église, qui était déjà pleine de monde. Le bedeau, le sourire aux lèvres, le sourire des jours de baptême et de mariage, alignait les invités dans le chœur. 2 prie-dieu avaient été placés à la limite du sanctuaire. Armande et Maurice s'y agenouillèrent. L'abbé Ercoët, portant l'aube et l'étole, sortit de la sacristie, puis, après avoir salué l'autel, il se couvrit de sa barrette et, se tournant vers les époux, il leur adressa son discours obligé. Il leur rappela la grandeur du sacrement qu'ils allaient recevoir. Il leur parla du mariage du Christ avec son Église et leur dit comment il s'était livré à elle pour la sanctifier, la purifier, la faire glorieuse, sans tache, sans rides, pure, immaculée. Puis, après ces banalités, thème de toutes ses allocutions, il se sentit attendri en face de ses enfants qu'il avait élevés et qu'il aimait. Il oublia la routine et s'adressant à eux simplement, sans phrase, plus ou moins mystique. « Mes chers enfants, le voyage que vous allez entreprendre est périlleux. Moi, le pilote, vous lançant sur cette mer de la vie, je suis ému et effrayé. Quand je ne serai plus près de vous, quand l'âge, les chagrins, les tempêtes seront arrivés, pensez à cette église où vous êtes si souvent venu dans votre enfance. Pensez-y, comme, au milieu de leur âge, y ont souvent pensé tant de marins agenouillés dans cette foule qui m'écoute. Ils étaient désespérés sur une mer en fureur. Ils étaient sans force devant la mort. Ils ont pensé à l'église de leur village. Ils ont tendu leurs mains suppliantes vers ce Dieu miséricordieux dont l'image est là sur nos têtes. Et ils ont été consolés. Ils ont été réconfortés. Ils ont été sauvés. Vous aussi, mes enfants. Si vous êtes battus par les orages du monde, pensez à cette église, Tendez les mains vers ce Dieu que je vous ai appris à aimer, et vous aussi, vous serez consolés. Vous aussi, vous serez réconfortés. Vous aussi, vous serez sauvés. Vous, monsieur, mais emporté par son attendrissement, il se reprit, toi, Maurice, n'oublie jamais les puissants secours que ta sainte mère a reçus de la religion. Que le courage avec lequel elle a supporté ses épreuves te soit un exemple. Rappelle-toi combien, à l'heure de la mort, elle était édifiante et résignée. Ah, c'est qu'elle pensait au ciel. D'où maintenant elle te regarde et se réjouit bienheureuse, en voyant la pure et charmante compagne qu'elle-même eût assurément choisie. Vous, madame, vous, ma chère enfant, n'oubliez jamais non plus cette digne femme. Rappelez-vous combien elle était bonne, charitable, fervente dans sa simplicité. Soyez pour votre époux ce qu'elle avait été pour le sien. Au milieu du monde, ne vous laissez ni éblouir ni tenter. Soyez toute la vie ce que vous avez été jusqu'à ce jour. Gardez votre âme ardente à la prière, votre cœur sensible à la pitié, et jusqu'à votre mort, les bénédictions du Seigneur descendront sur votre maison. Le docteur avait des larmes plein les yeux, mais se penchant vers M. Desalleux, grave comme s'il avait toujours été à l'audience, « Ces finaux-là ont si bien su mêler leur religion à tous nos sentiments qu'on ne sait plus trop pourquoi on pleure. » Quand l'abbé, dans une courte prière, se fut un peu remis, il fit joindre les mains aux deux époux, bénit le mariage et remit l'anneau à Maurice, qui le passa au doigt d'Armande. La messe commença, et commencèrent aussi, en même temps, les conversations à voix basse entre voisins. Audrain, lui, ne parlait pas. Il était immobile, les yeux troubles, la tête en feu. Et malgré lui, il entendait un murmure de paroles étouffées, souvent interrompues. Il était question de Maurice, d'Armande, de robe, de coiffure. « Je trouve le marié bien jeune. Avec ça encore, il est artiste. On dit qu'il a du talent. Il est sans fortune. C'est un mariage d'amour ? Tout à fait, il s'adore. » En écoutant ces propos qui lui déchiraient le cœur, Audrey se retourna brusquement et lança ses deux voisins un regard si furibond qu'ils le prirent pour un fou ou un dévot scandalisé. Aussi n'osèrent-ils plus échanger leurs observations. Enfin arriva le moment terrible où devait commencer son office de garçon d'honneur. On était au pater. Le Suisse vint le chercher. Il se leva et le suivit. Il lui semblait que les dalles fuyaient sous ses pas, les murs dansaient. Cependant, il allait la tête haute. On lui mit entre les mains un voile blanc. En face de lui, Martel tenait l'autre bout. Sous le voile, Armande et Maurice étaient agenouillés. L'officiant lisait une oraison dans le missel. Lui, pour ne point trembler, se tenait raide, les bras serrés contre les côtes. Mais Armande, en voyant cette douleur, fut prise d'une immense pitié. Elle oublia Maurice, elle s'oublia elle-même, ne pensa plus qu'à Audrey, et du plus profond de son cœur, elle lui donna la seule chose qu'elle put donner, sa prière. « Mon Dieu, dit-elle, recevez-le, protégez-le. Soyez bon pour lui, consolez son âme, guérissez son corps. » Quand le prêtre eut fait l'aspersion, Audrey retourna à sa place et la cérémonie finit. Mais pour lui ne finit pas son martyre. Il fallut qu'il assistât au déjeuner, ou plus justement au dîner, qui fut long. Il fallut qu'il vît Armande et Maurice placés en face l'un de l'autre, échanger des regards doux comme des caresses, brûlants comme des baisers. Il fallut qu'il écoutât les toasts. On but au bonheur des nouveaux mariés, à leur santé, à leur avenir, à leurs enfants. Le mariage n'étant institué à nulle autre fin que la famille, dit superbement M. Desalleux, ce serait le profaner que de ne pas en attendre des enfants. Je bois donc à mes petits-neveux, à mes petites nièces. Audrey fut 10 fois sur le point de se sauver, mais il avait promis, il resta. Il y avait là orgueil pour lui-même, défi pour Maurice, dernière preuve d'amour pour Armande. Cependant, parfois, son courage l'abandonnait. Il n'avait plus conscience de ce qui se passait autour de lui. Il était comme dans un atroce cauchemar. Entre le dîner et la fête du soir, il y eut un moment où on abandonna la table pour se promener dans le jardin. Il en profita et s'échappa. Il courut droit devant lui, et par le chemin de la falaise, il se trouva bientôt au milieu de la lande. Alors il se jeta sur l'herbe et laissa échapper les pleurs qu'il retenait depuis si longtemps. C'était fini, c'était bien fini, elle était perdue, elle était mariée. Autant il avait été ferme, autant il fut lâche. Il était seul, il était libre enfin. Il se roula sur le gazon, enfonçant ses doigts dans la terre, sanglotant, criant, hurlant. Puis, quand la machine nerveuse se fut un peu détendue, il tomba dans un abattement stupide. Son corps et son âme étaient brisés comme sa vie. Ce n'était plus de la souffrance, c'était de la prostration. Son cœur ne saignait plus, il était mort. Il en était de lui comme d'un homme qui, précipité du haut d'un toit, se voit tomber dans le vide sans pouvoir s'accrocher à rien. Il se sentait aussi dans le vide, dans le néant. Pendant ce temps, la fête commençait. Par la grande porte, ouverte à deux battants, les gens du village arrivaient en dimanche. La tente s'emplissait. Elle était partagée en trois compartiments. À l'extrémité, on avait disposé un petit salon parquetté pour les invités à longue robe. Au milieu était la salle de danse. À l'entrée, un buffet où ceux qui n'avaient pas assisté au dîner trouvaient des viandes froides, une barrique de vin en perse, des gâteaux et des rafraîchissements. Le docteur avait fait les choses grandement. Heureux, il voulait que tout le monde fût heureux avec lui. À 8 heures, la noce fit son entrée, mais les musiciens n'étaient pas encore à leur place. Comme M. Michon s'en étonnait, on entendit au dehors les sons du biniou, du fifre et du violon. Le docteur était aimé dans le pays, et pour lui payer les services qu'il avait rendus, il avait été décidé que tout le village prendrait part à la fête et que le père Gouriot, avec 6 garçons et 6 jeunes filles, chanterait la complainte du mariage. C'était la députation qui arrivait, musicien en tête. On la vit paraître. Le père Gouriot marchait le premier. Ce n'était plus le chanteur des foires et des marchés, c'était le barze, c'était le poète du pays. Ce n'était plus le vieux mendiant, c'était un grand vieillard superbe dans son antique costume national. Il allait droit et fier, jouant noblement du rebec. Derrière lui venaient les jeunes garçons, les jeunes filles et la députation du village. Il traversa la salle, et arrivé devant les mariés, il s'arrêta, déposa son rebec dont il dédaignait le secours, fit signe au musicien de l'accompagner doucement, et d'une voix un peu traînante, mais bien accentuée, il commença la complainte. « Nous sommes accourus du fond de notre village, afin de vous souhaiter bonheur en mariage, à monsieur votre époux aussi bien comme à vous. Vous n'irez plus au bal, madame la mariée, vous n'irez plus aux fêtes ni dans nos assemblées, vous resterez à la maison tandis que nous irons. » Alors, s'effaçant sur le côté, il fit place à un jeune garçon qui portait un gâteau et qui se mit à chanter « Acceptez ce gâteau que ma main vous présente. Il est fait de façon à vous faire comprendre qu'il faut travailler et souffrir afin de se nourrir. » Puis, le jeune garçon sortira aussi. Il fut remplacé par une jeune fille qui tenait un bouquet et qui chanta « Acceptez ce bouquet que ma main vous présente. Il est fait de façon à vous faire comprendre que tous les vains honneurs passent comme ces fleurs. » Elle offrit le bouquet et tout le monde reprit ensemble « Nous sommes accourus du fond de notre village afin de vous souhaiter bonheur en mariage, à monsieur votre époux aussi bien comme à vous. » On se mit en place pour le quadrille. Monsieur Desalleux conduisait Armande, monsieur Michon une jeune fille du village. La danse devint générale. Seulement, comme beaucoup de Bretons ont encore conservé leur ancienne danse, qui est une sorte de marche rapide et mesurée, l'orchestre alternait. Tantôt il jouait un quadrille, tantôt il jouait le pas national. On ne tarda pas à s'entasser, à se pousser, à se coudoyer. Et malgré la légèreté des murailles qui étaient en beau drap enguirlandé de fleurs, l'air devint bientôt plus lourd et plus chaud. Au milieu de la tente, les jeunes gens dansaient. Sur les côtés, les hommes regardaient. Ils ne parlaient pas. Ils ne remuaient guère, mais ils souriaient avec l'expression du contentement. Pour ces rudes travailleurs habitués à la fatigue, ne rien faire était déjà un plaisir. Au buffet, l'animation était plus vive. Là, on buvait ferme et l'on criait fort. 8 ou 10 buveurs s'étaient emparés des tables, et n'en voulant point démarrer, ils causaient tranquillement de leurs affaires comme s'ils eussent été au cabaret. Lorsqu'Armand dut danser 5 ou 6 contredanses, lorsqu'elle eut fait plusieurs fois au bras de son grand-père le tour de la tente, parlant à chacun et recevant de chacun des compliments, M. Michon fit un signe à Maurice, prit le bras d'Armande comme pour une nouvelle promenade et rentra à la maison. Invités ainsi que domestiques, tout le monde était sous la tente. Des lampes brûlaient dans le vestibule. M. Michon en prit une et se dirigea vers une grande chambre habituellement inoccupée qui se trouvait au rez-de-chaussée au bout de la bibliothèque. « Mes enfants, leur dit-il, voilà votre chambre. Les meubles en sont bien vieux, bien rococo, mais ils ont servi à ma chère femme et à moi. C'est la chambre de notre mariage. Soyez-y heureux, comme nous y avons été heureux. » Et comme Armande se serrait contre lui. « Allons, chère mignonne, continua-t-il, ne tremble pas. Tu es entre ton père et ton mari. Et si je tremble aussi en te parlant, ce n'est pas de crainte, c'est d'émotion. Vous me ramenez à mon jour de noces. Voilà le fauteuil où je me suis assis pour la prendre sur mes genoux. Tiens, Armande, voilà la chaise basse où ta grand-mère se mettait devant le feu pour sécher et emmailloter ta mère. Regarde, ma fille, tout ici conserve des souvenirs de bonheur. Tu seras heureuse aussi. Allons, viens que je t'embrasse. » Il l'attira sur sa poitrine, y attira aussi Maurice, les mit bien étroitement aux bras l'un de l'autre, et les yeux pleins de larmes, presque aussi troublés que sa fille, il sortit sans se retourner. Il croyait les laisser seuls, il ne l'était pas. Audrey, après sa crise d'affaissement, avait eu une réaction de colère. Pour se calmer, il s'était mis à marcher à travers la lande. Le mouvement, en activant la circulation sanguine, avait aussi activé l'exaltation cérébrale. Plus les heures de la nuit s'étaient écoulées, plus il s'était senti furieux. Il n'avait plus eu qu'une seule pensée, elle et lui dans le même lit. Cela lui avait paru si monstrueux qu'il avait décidé de partir pour Brest à l'instant même. Il était revenu sur ses pas, mais alors, marchant moins vite, rafraîchi par la brise qui soufflait du large, un peu calmé par cette résolution de s'enfuir qui le rattachait à quelque chose, il s'était pris à songer à son départ, à son voyage, à son isolement dans la vie, à ce pays qu'il abandonnait, et s'attendrissant un moment sur lui-même, oubliant sa colère, il avait vaguement pensé, puisque tout était bien fini, à voir Armande une dernière fois pendant qu'elle était encore la jeune fille qu'il avait si ardemment adorée. Tout d'abord, il avait rejeté cette idée comme une faiblesse, puis il y était revenu, puis entraîné par ce fatal sentiment qui nous pousse à vouloir ne rien perdre de nos douleurs, au lieu d'entrer chez son frère, il avait passé tout droit et était descendu vers le château. Traverser le jardin et entrer par la maison dans la cour d'honneur où se trouvait la tante était le chemin le plus court. Il l'avait pris. Arrivé devant la maison, il avait trouvé fermées les portes de communication, et comme il longeait la muraille en cherchant un passage, il avait été surpris de voir de la lumière à travers les persiennes de la grande chambre et d'entendre un bruit de voix. À cette heure, quand tout le monde dansait au bal, qui donc pouvait être là? Il s'était approché. Une porte-fenêtre ouvrait sur un perron. Il avait monté les marches. Juste à la hauteur de sa tête, mais plus haut que les yeux, les crémaillères avaient été tirées et les lames de bois étaient parfaitement horizontales. Il s'était haussé sur la pointe des pieds et au milieu de la chambre, il avait vu le docteur qui tenait dans ses bras Armande et Maurice. La mousseline des rideaux était fine, la lampe donnait une lumière éclatante. Le vertige le prit, il retomba sur ses pieds, mais presque aussitôt il se releva, se cramponna des mains à une planchette supérieure et colla son visage contre la persienne. Le docteur était sorti. Armande et Maurice se tenaient enlacés. Ils restèrent quelques minutes ainsi, lui la serrant dans ses bras, elle inclinant la tête sur la poitrine de son époux. « Chère Armande, » murmura Maurice d'une voix pleine de prière. Il l'attira et la fit asseoir sur ses genoux. Elle se cachait toujours, mais, se penchant vers elle, il lui posa les lèvres sur le front, lui redressa la tête en la poussant un petit coup, et quand il la sentit à la hauteur de son visage, se baissant, il lui plongea les yeux dans ses yeux. Longtemps ils se regardèrent. Puis, l'asseyant elle-même sur le canapé, il se laissa glisser à terre, se mit à genoux devant elle, lui prit les deux mains et la regarda encore avec ravissement. Audrey aussi regardait. Il était oppressé jusqu'à l'étouffement. Ses yeux étaient troubles, ses jambes vacillaient, son cœur battait si fort qu'il repoussait la fenêtre. Maurice était toujours à genoux, et les mains autour du corsage d'Armande, il cherchait à détacher le bouquet. Elle était rouge et tremblante. Sa pudeur l'empêchait de s'abandonner. Son amour l'empêchait de se défendre. Elle avait peur de n'être pas assez tendre. Elle avait peur d'être trop passionnée. Le bouquet détaché, Maurice se releva et voulut détacher aussi la couronne. Prise dans les torsades de la coiffure, elle était retenue par de nombreuses épingles bien cachées. Épingle à épingle, il y parvint, et prenant délicatement la couronne, il alla la poser sur un meuble. « Ce sera notre talisman de bonheur, » dit-il. « Nous le garderons toujours. si nous sommes jamais tristes, il nous consolera. » Il revint vers elle, et il ouvrit les bras pour l'embrasser encore. Ses yeux brillaient, ses mains tremblaient. Elle eut peur et voulut se reculer. Mais dans le brusque mouvement qu'elle fit, ses cheveux, qui n'étaient plus retenus, s'échappèrent du peigne, et en une soyeuse cascade, ils tombèrent sur ses épaules. Par un geste de honte et de crainte tout à la fois, elle se jeta les mains sur le visage. Il s'approcha, l'enlaça d'une main, et de l'autre il prit une épaisse torsade de cette chevelure qu'il voyait dans toute sa splendeur pour la première fois, la pressa contre ses lèvres, respirant son parfum tiède et pénétrant. « Ne crains rien, » dit-il. « Je ne suis aujourd'hui que ce que j'étais hier, rien de plus, chère mignonne. Ton amant qui toujours sera ton amant. Ce n'est pas de la loi, ce n'est pas de l'Église que je veux te tenir, c'est de toi seul. » Audrey les voyait face à face, les yeux dans les yeux, les lèvres presque sur les lèvres. Comme la lame d'un couteau, la planchette de chêne à laquelle il était cramponné lui entrait dans les doigts. Il ne sentait pas la douleur physique. Il écoutait et regardait, et celle qu'il avait adorée avec la vénération la plus sainte, il la voyait au bras d'un homme qu'elle aimait, sans défense et sans volonté de défense. « Pourquoi trembler ?» disait Maurice. « C'est plus fort que moi. » Elle était contre lui sans même oser respirer. Il glissa sa main derrière le corsage. « Ne sommes-nous pas l'un à l'autre ? » dit-il. Le corsage de soie s'entr'ouvrit. « Maurice ! » dit-elle palpitante. Sans répondre, mais en la maintenant du regard, il attira vers lui les deux manches, et la robe, qui n'était plus retenue, entraînée un peu par son propre poids, beaucoup par les mains de Maurice, glissa sur le tapis. Elle croisa ses bras sur sa poitrine et demeura confuse au milieu de sa robe qui, comme une cloche, s'évasait autour d'elle. Elle resta ainsi debout, immobile, la tête baissée, le front pourpré, les cheveux épars. Il l'enveloppa dans ses deux bras et la fit asseoir sur ses genoux. Elle releva sur lui ses grands yeux alanguis où il y avait à la fois amour et crainte. Il décrocha les bracelets et le collier. Puis, la faisant asseoir sur le canapé, il alla prendre près du lit des petites mules bleues bordées d'un blanc duvet, revint vers elle, s'agenouilla et défit ses bottines. À travers les mailles de la soie, on sentait la chair. Prêt à reposer le pied qui se crispait dans sa main, il l'approcha de ses lèvres et le baisa. Elle poussa un petit cri étouffé et se renversa en arrière, mais il la reçut dans ses bras et se mit, sans rien dire, à détacher les pièces de sa toilette. Sans rien dire aussi, elle le laissa faire. Elle n'osait plus ni parler ni résister. « Cela doit être ainsi, » pensait-elle, et rouge comme une cerise, la respiration entrecoupée, les yeux troubles, elle s'abandonnait docilement. Quand la main de Maurice lui effleurait la peau, elle frissonnait. Le corset avait été détaché et Maurice allait soulever la guimpe, lorsque par un dernier effort, elle se dégagea et se réfugia tout émue dans le coin du canapé. Alors Maurice, la regardant de nouveau avec une expression plus passionnée et plus impatiente, glissa sa main sur la table, approcha la lampe et brusquement l'éteignit. Audrey desserra les doigts et se laissa couler à terre. Sa tête éclatait, ses dents claquaient. Par un miracle de volonté, il avait pu se contenir jusqu'alors, mais il sentait la fureur le pousser. Pendant qu'il en était temps encore, il voulut fuir et sauta dans le jardin. Il se mit à courir sans savoir où il allait. Quoique la lune brillât, il ne voyait rien. Ses jambes se prenaient dans les fleurs des massifs, et son visage s'écorchait aux branches des taillis. Un tronc d'arbre couché sur le gazon le fit tomber. Il se releva. On entendait les sons du fifre et du biniou. Il se remit à courir pour fuir plus loin. Mais dans son aveuglement, il revint sur ses pas et se trouva en face de la maison. Il s'arrêta et passa ses mains sur ses yeux pour essuyer le sang qui coulait du front. Durant quelques minutes, il demeura indécis. Puis, une curiosité plus forte que sa volonté le poussa vers la maison. Il remonta les marches du perron à pas légers et colla de nouveau son visage à la persienne. La lampe n'avait pas été rallumée, il ne vit rien. Il écouta, il n'entendit rien non plus. Mais bientôt un bruit de pas lourd et lent retentit dans la chambre. Puis il y eut un froufrou d'étoffe, puis un cliquetis d'anneaux qui glissait sur leur tringle. Les pas lourds étaient ceux de Maurice portant Armande, les anneaux étaient ceux du lit. Il chancela, et comme une masse, il roula par terre. Mais il n'était pas évanoui. Il se releva et chercha par où attaquer la persienne pour l'arracher. Il voulait sauter dans la chambre et étrangler Maurice. Elle était solidement fermée et n'offrait pas la moindre prise. Quoique bien court, Ce moment d'examen fut assez long cependant pour le rappeler à lui. Ses bras, qu'il portait en avant, crispés et menaçants, tombèrent. Sa tête s'inclina sur sa poitrine, et tout son corps s'affaissa. Il demeura quelques secondes anéanti, puis, redescendant les marches, se traînant plutôt que marchant, il reprit la grande allée, sortit du jardin, et lentement, il se dirigea du côté de la grève. On dansait toujours, et le son du fifre passait avec la brise. Les joyeux rayons du soleil le lendemain glissaient à travers les persiennes, les oiseaux chantaient dans les feuilles, il y avait dans l'air des musiques et des parfums. Armande, dans les bras de Maurice, dormait, et lui, tourné vers elle, il la regardait dormir. Un rayon de soleil, reflété par la glace, vint s'abattre sur ce visage souriant, et les cheveux étincelèrent comme des fils d'or. Sa paupière cligna sous la lumière trop vive, puis elle ouvrit les yeux, rencontra ceux de Maurice, les refermant aussitôt, elle se blottit dans son cou. Les joyeuses paroles, les pénétrantes caresses, les tendres regards, les éloquents silences, les riants en projet, les douces promesses. Ce furent des journées radieuses. Ils étaient tout à eux-mêmes et jouissaient délicieusement d'eux-mêmes. Il y avait 5 jours qu'ils étaient mariés, et tendrement enlacés l'un à l'autre, ils se promenaient sur la grève. Ils allaient, à pas cadencés, et ils parlaient de cette voix basse, mais vibrante, qui vient du cœur. Ils arrivèrent ainsi devant l'île de Goé. La passe était à sec. « Il n'est pas encore 6h30, » dit Maurice. « La mer ne remontera pas avant 2h. Nous avons le temps de faire le tour de l'île avant la marée et la nuit. Le veux-tu ?» Ils traversèrent à pied sec le chenal où, 6 semaines auparavant, Maurice avait échappé à la mort. « Sans ces rochers, » dit-il, « qui sait où nous en serions encore de notre mariage ?»« Ah !» s'écria Armande, « j'étais morte d'anxiété. » « Par bonheur, tu étais folle de joie. »« Pauvre Andrène, c'est lui qui t'a sauvé. Où est-il maintenant ?»« À Brest, probablement, à moins qu'il ne soit en mer. »« Pourquoi est-il parti sans nous faire ses adieux ? J'en ai presque un remords. »« Allons donc, il n'a pas voulu te voir, ma femme. 2 ou 3 ans d'absence le rendront raisonnable. Quand il reviendra, il sera guéri. » Il s'avançait sur la grève sourde et moelleuse. Le soir commençait. Et par un effet de mirage, il y avait 2 soleils, un qui se couchait dans la mer, l'autre qui miroitait sur le sable humide. Ils avaient déjà doublé la pointe, et ils revenaient vers le chenal, lorsque sur la mer, qui reflétait une légère teinte orange restée au ciel, ils aperçurent un point noir. « Une baleine !» dit Maurice en riant. « Ou un marsouin ?» répondit Armande. « Non, ça ne nage pas, ça flotte, c'est une épave. Penchons-nous sur le sable, nous verrons mieux. » Ils se penchèrent. Le point noir faisait une bosse sur la ligne jaunâtre de l'horizon et s'avançait lentement, poussé par la marée montante. « C'est un ballot, » dit Maurice. « Ou une barrique, » continua Armande. « Nous allons la sauveter. Si c'est une barrique, nous la ferons scier en 2 et nous la mettrons sur notre terrasse pour en faire un bassin. Si elle est pleine, on ne boira le vin ou le rhum qu'elle renferme qu'aux anniversaires de notre mariage ou au baptême de nos enfants. Si c'est un ballot, je ne sais pas ce que c'est. À coup sûr, ce ne doit être ni une barrique ni un ballot. » Le point noir s'avançait toujours en dérivant vers la passe. On le voyait un peu plus distinctement. Il paraissait partagé en 3, le point du milieu plus gros que ceux des extrémités. Ils regardaient et ne parlaient plus. Ils avaient peur de se communiquer leurs suppositions. « Allons-nous-en, » dit Maurice. Ils marchèrent vers le chenal, mais comme si elle eût été animée. L'épave, ballot ou barrique, portée par le courant, les suivit en s'approchant du rivage. Arrêtés par une barrière de rocs éboulés, ils durent remonter un peu vers la terre, et quand ils redescendirent sur le sable, le seul chemin praticable au milieu de cet amas de pierres, l'épave, qui toujours s'était avancée en ligne droite, se trouva devant eux. « Ah, mon Dieu ! » s'écria Armande, « c'est un homme !»« Allons-nous-en, » dit Maurice, et il voulut l'entraîner. Elle résista, elle regardait avec une poignante curiosité. On distinguait des cheveux noirs, une poitrine, des pointes de pied. La lame poussa encore le cadavre, mais il touchait le sable, il s'arrêta. Alors la lame qui vint, rencontrant un obstacle, passa par-dessus et balaya les cheveux qui couvraient le visage. Quand elle sortira, aux dernières clartés du jour finissant, on aperçut ce visage. « Ah !» s'écria Armande avec un horrible déchirement. « Audrène !» Elle tomba sur le sable, mais presque aussitôt elle se releva, et malgré Maurice qui la retenait, elle courut jusqu'auprès du corps. C'était Audrène, les yeux ouverts, la face blanche, marquée de taches livides. « Mort !» s'écria-t-elle, et elle se renversa dans les bras de Maurice. Il voulut l'emmener. Sans en avoir conscience, elle fit quelques pas, mais s'arrêtant. « Ne l'abandonnons pas, » dit-elle faiblement. « Mais, mon enfant, la mer monte. Elle va le battre sur les rochers. Nous enverrons du monde, viens. On ne peut pas le laisser comme ça. » Et les sanglots lui coupèrent la voix. « Du courage, » dit Maurice, « partons. »« Non, non !» s'écria-t-elle, puis avec force. « Il le faut, portons-le sur le galet. » Il hésita, mais elle le regardait à travers ses larmes d'une façon si résolue qu'il n'osa pas reculer. Ils se rapprochèrent du cadavre. Il était presque entièrement hors de l'eau et de travers. La mer le poussait à chaque coup de lame. Ils se penchèrent tous deux en même temps, mais tous deux aussi, en même temps, ils se redressèrent. Prêts à toucher ce cadavre, ils avaient eu la même pensée. Heureusement, la nuit était venue. Ils étaient séparés par 3 pas de distance, leurs yeux ne purent pas se la communiquer. « Attends, » dit-il, « je vais le traîner tout seul. »« Oh non, pas le traîner !» murmura-t-elle. Et se penchant vivement, elle saisit les pieds. Maurice prit les épaules. Ils le soulevèrent tout d'une pièce. C'était bien lourd pour Armande. Malgré son exaltation, elle tordait sous le poids. Ses pieds aussi s'embarrassaient dans sa robe. « Maurice, » dit-elle sourdement, « ses jambes sont attachées avec un mouchoir. » Arrivée au galet qui formait un talus, elle glissa et tomba sur les genoux, mais elle se releva. « Encore !» dit-elle. Ils montèrent encore. Les cailloux ronds roulaient sous leurs pas. « Je ne peux plus !» Elle laissa échapper les pieds d'Audrey et s'affaissa sur elle-même. Maurice, lâchant le cadavre, courut à elle. Elle était évanouie. Il la serra contre lui, la secoua, lui frappa dans les mains. Elle ne répondit pas. Il chercha sa bouche et rencontra les dents froides. Il la prit dans ses bras et redescendit le chemin qu'il venait de monter. Il entra dans la mer jusqu'à la cheville et, se courbant à moitié, appuyant Armande sur son genou plié, de sa main restée libre, il lui jeta de l'eau sur la figure, l'appelant, l'embrassant toujours. Enfin, elle ouvrit les yeux. Puis, éclatant en sanglots, elle se suspendit à son cou. Longtemps, elle suffoqua en haletant péniblement, mais peu à peu, elle recouvra la respiration et pleura sans étouffer. Alors Maurice, qui la soutenait, « Peux-tu marcher ? » dit-il. « La mer monte, l'heure nous presse, le chenal va s'emplir. »« Le chenal ? » fit-elle. « Ah oui, je veux bien. Appuie-toi sur mon bras. » Ils se mirent en marche. Elle ne voyait pas, ses yeux étaient pleins de larmes. Souvent, elle se cramponnait à Maurice, sentant l'étourdissement qui la reprenait. Malgré leurs efforts, ils allaient lentement. Ils arrivèrent. La mer, rapide et clapoteuse, courait dans le milieu du chenal et blanchissait contre les blocs de granit qui déjà disparaissaient à demi submergés. « Ah ! » s'écria Maurice, « il est trop tard, le flot nous a devancés. Je vais appeler, on nous entendra, on viendra nous chercher. » Il appela, cria de toutes ses forces. Mais les premières maisons du village étaient à plus d'un kilomètre, et la mer, qui était calme au large, faisait en s'engouffrant dans la passe un bruit sourd et continu. La voix de Maurice se perdit dans ce bruit. « Si nous voyons un douanier passer sur la falaise, » dit Maurice, découragé, mais ne voulant pas le laisser paraître, « nous l'appellerons. En attendant, nous allons nous mettre à l'abri de la dune. » Ils y allèrent et s'assirent sur le sable. « Comme tu trembles, » dit Maurice, « j'ai froid. » Elle avait les jambes mouillées, et l'eau qu'il lui avait jetée au visage pour la ranimer avait coulé dans la robe. Il la prit dans ses bras, l'enveloppa dans un châle de laine qu'il portait pour les promenades de nuit, lui sécha les cheveux avec un mouchoir et la déchaussa. Les pieds étaient glacés, il les prit entre ses mains pour les réchauffer. Ils restèrent longtemps sans voir le moindre douanier. Loin de faiblir, le clapotement des flots devenait plus fort à mesure que la mer montait. La brise soufflait de la terre, et la pâle lueur qui tombait du ciel étoilé laissait à peine apercevoir la côte. « Il ne viendra personne, » dit Armande un peu plus calme. « Grand-père se sera couché pendant que nous rentrerions par la porte du jardin. » « Les douaniers ne passeront pas sur la falaise. On ne peut pas aborder de mer haute. »« Eh bien, il faut nous résigner. Attendons que la mer baisse. As-tu encore froid ?»« Presque plus. » Il se fit un silence. Puis bientôt elle reprit doucement. « Si tu voulais. Puisque personne ne viendra et que nous devons rester ici encore 4 ou 5 heures, nous irions là-bas. Où là-bas ? C'est mal de le laisser tout seul. » Dans l'état nerveux où tu es, ce serait folie. D'ailleurs, nous ne serions plus à l'abri du vent. Ne me refuse pas, c'est un devoir. Il t'a sauvé, il a été mon frère. Mais c'est nous qui l'avons tué, je t'en supplie, j'aurai du courage. » Il eut peur de paraître avoir peur. La pensée que plus tard elle pourrait lui faire un reproche de son refus le décida tout à fait. Sur les galets mouvants, ils se remirent en route. Elle marchait sans avoir besoin de s'appuyer sur lui. Le cadavre était toujours tel qu'il l'avait abandonné. Seulement, sous la clarté bleue des étoiles, les mains et la figure paraissaient phosphorescentes. On eût dit qu'elles étaient recouvertes d'écailles lumineuses. La nuit était tranquille, le ciel était sans nuages. Sur la grève, la mer brisait avec un bruit monotone qui retentissait dans l'âme. Il ne parlait pas. De temps en temps, Armand tressaillait et serrait Maurice comme si elle eût eu peur. De temps en temps aussi, elle pleurait, et lui, sans oser rien lui dire pour la consoler, il s'attendrissait à ses douleurs. Une clarté blanche parut derrière les falaises, et dans le ciel pâle, la lune monta lentement. La marée commençait à redescendre. Armande, accablée par la fatigue et l'émotion, s'était à la fin endormie, mais son sommeil était fiévreux. Souvent elle tressautait brusquement, souvent aussi elle soupirait. Maurice était donc seul, et à 25 ou 30 pas le corps d'Audrenne se profilait en une silhouette dure sur le flot argenté. Tout alentour et jusqu'à perte de vue, les rochers, qui se dressaient sur la plage, faisaient de grandes ombres noires et douteuses. Ce cadavre le gênait horriblement et finissait par l'exaspérer. Il voulait n'y point penser, il voulait en détourner les yeux. Malgré lui, il y revenait toujours, de l'esprit et du regard. Le souvenir de leur lutte et de leur rivalité l'étreignait. Il le revoyait vivant, et cette idée le remuait si profondément que son esprit se perdait en d'étranges hallucinations. Devant lui, tout prenait des formes bizarres, et une sauterelle de mer, qui remua dans le sable, le fit tressaillir. Il avait peur. Par un mouvement instinctif, il serra Armande dans ses bras. Elle se réveilla et se pressa contre lui. « Ne crains rien, » dit-il. « Voici l'heure, la mer baisse. » Il la fit lever et l'entraîna. Il avait hâte de s'enfuir. La mer sortirait de dedans le chenal. Ils purent le traverser presque à pied sec. Ils rentrèrent par le perron du jardin, celui où Audrenne avait roulé. « Couche-toi vite, » dit Maurice. « Après, j'irai veiller M. Michon. » Il la déshabilla et la mit dans le lit, puis il monta chez le docteur. Il lui conta tout en peu de mots. « Le malheureux enfant, » s'écria M. Michon, « il s'est tué, mais Armande, elle est couchée. C'est bien, je vais la voir. » Il s'habilla. Tout en endossant ses habits, il faisait question sur question et répétait à chaque instant « Le pauvre enfant, il faut cacher le suicide. » Ils descendirent. Armande, ramassée sur elle-même, grelottait et pleurait. En voyant son grand-père, elle fondit en larmes. « Tâche de la réchauffer, » dit M. Michon à Maurice. « J'irai prévenir M. de Tréfléant. Surtout qu'elle dorme. J'ajouterai quelques gouttes de laudanum à sa potion. » Quand il revint 4 heures après, le soleil était levé, et Armande dormait toujours, mais d'un sommeil brûlant et spasmodique. « Eh bien, » dit Maurice à voix basse, « nous l'avons porté chez son frère. Pauvre monsieur de Tréfléant, j'ai fait la visite du cadavre. Comme il avait une cicatrice au front, ça m'a servi à prétendre que la mort était le résultat d'un accident. Ça n'est pas fort, mais ça sauve les apparences. J'ai obtenu du maire que vous ne feriez votre déposition que demain. Le suicide n'est pas prouvé. L'abbé ne refuse pas ces cérémonies. À quelle heure l'enterrement? À 10 heures. Si Armande s'éveille, tu tâcheras de l'étourdir. Surtout, tu la garderas ici, tu diras que je le veux. » Ce fut le glas funèbre des cloches qui réveilla Armande. Elle l'écouta quelques instants, puis elle eut un brusque frisson, et elle enfonça sa tête dans l'oreiller. Mais presque aussitôt, se redressant, elle voulut se lever. « C'est pour ce matin ? » dit-elle. « Non, » répondit Maurice, et il la força à se recoucher. Cependant, les cloches reprirent. Elle comprit qu'on l'avait trompée. Elle voulut encore se lever. Maurice intervint de nouveau. « Reste. Il le faut. »« Non, » s'écria-t-elle, « notre devoir est d'être là-bas. »« Votre devoir, Armande, est de m'écouter. D'ailleurs, votre grand-mère veut que nous restions ici. Ce serait folie d'aller à l'enterrement, dans l'état de fièvre où vous êtes. » En entendant cette voix brève, qui pour la première fois parlait impérieusement, Armande leva les yeux sur Maurice. Elle les rebaissa bien vite et éclata en sanglots. Quand Maurice avait reconnu le cadavre, il avait été ému et attendri. mais cette pitié, toute de premier mouvement, n'avait pas duré longtemps. L'horrible veillée sur la grève l'avait irrité. Maintenant, les plaintes d'Armande l'irritaient plus fortement encore. Il était jaloux de la douleur qu'inspirait Audrain mort, comme il avait été jaloux de la tendresse qu'avait inspirée Audrain vivant. Ce suicide ne lui paraissait qu'une lâche vengeance, tentée pour détruire son bonheur, ou tout au moins pour en flétrir les premières et plus belles journées. Aussi par la chambre marchait-il à grands pas, regardant sa femme qui suffoquait, et plus elle gémissait, plus il sentait sa colère s'accroître. Enfin, s'approchant d'elle, « Que diriez-vous donc, demanda-t-il, si c'était moi qu'on enterra ?» Elle se retourna vers lui, le regarda avec une indéfinissable expression d'amour et de reproche, remua les lèvres comme pour parler, mais les larmes et les sanglots l'étouffèrent. Maurice recommença sa marche impatiente. Cependant, ce regard l'avait touché. Bientôt, il vint s'asseoir sur le lit. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. Il se mit à lui dire de tendres paroles d'excuse. Longtemps, elle pleura sans répondre, mais enfin, elle écouta un peu plus calme, et ses yeux restèrent attachés sur les yeux de Maurice. La consolation écartait maintenant la pensée d'Audrain, comme tout à l'heure la peine personnelle l'avait déjà écartée. Cependant, les cloches sonnaient toujours. À chaque reprise, Armande frémissait. Mais Maurice continuait de parler, et bientôt elle se remettait à écouter. Tout à coup, on entendit un vague murmure dans la rue, puis le bruit devint plus fort, puis on reconnut la marche d'une foule, les sons de l'ophicléide et le chant de plusieurs voix qui psalmodiaient « In paradisum deducand te angeli ». « Ah !» s'écria Armande, en s'abattant contre la poitrine de Maurice, « l'enterrement !» C'était le cortège qui longeait les murailles du jardin pour se rendre au cimetière. Maurice tint Armande serrée contre lui, jusqu'à ce qu'on n'entendît plus les chants funèbres. Puis, se penchant vers elle et la forçant à le regarder, « Calme-toi, cher enfant, » dit-il. « Si l'amour fait mourir, il fait vivre aussi. Ne crains rien. Nous serons heureux. L'avenir est à nous. » Au bout d'une heure, M. Michon et Martel rentrèrent de l'enterrement. Armande fut reprise d'un accès de désespoir. Elle se jeta dans les bras de son grand-père sans pouvoir articuler une seule parole. Alors Martel, s'approchant de Maurice et l'attirant dans un coin, « Comment est-elle ? » demanda-t-il à voix basse. « Fiévreuse et brisée. Si le docteur y consent, j'ai le désir de partir tout de suite pour Paris. Le voyage et le changement l'étourdiront. Il ne faut pas qu'elle revoie la plage. » « Tu as raison, » répliqua Martel. « La distraire, c'est ce qu'il faut, et surtout la rendre heureuse. Que veux-tu dire ? Je veux dire que jusqu'à présent, ton bonheur a coûté cher aux autres. Ta mère et Audrain, c'est assez comme ça. Armande, ce serait trop. » Ainsi s'achève « Les amants », tome 1er, du cycle « Les victimes d'amour » par Hector Malot.